Deuxième temps de notre série d'émissions sur les rapports de la Grande-Bretagne à l'Europe en ces temps de Brexit. Ce matin, qu'en est-il des discours et des actes anglophobes ? Hier, nous nous sommes intéressés avec Swazik Kerneïs à la Grande-Bretagne romaine. Demain, nous nous demanderons si, comme on le dit généralement, la Grande-Bretagne a un jour choisi le monde plutôt que l'Europe. Jeudi, le documentaire d'Anaïs Quin et Marie-Laure Ciboulet nous racontera quatre histoires dont la Manche a été le théâtre. Et ce matin, avec Anaïs Quin qui co-animera cette émission avec nous et qui l'a préparée cette semaine, nous allons nous intéresser aux discours anglophobes au 19e et au 20e siècle. Trafalgar, Aboukir, Fashoda, certes, mais aussi peut-être Saint-Rémy sur Havre, de Casseville ou le petit Quévilly seront au cœur de nos discussions. Nathalie Canoui lira pour nous les textes choisis par nos deux invités. Fabrice Sérode, il est professeur d'histoire-géographie au lycée français de Bruxelles et à Sciences Po Lille. Il est auteur de Anglophobie et politique de Fashoda à Mercel Kébir aux éditions de l'Armatan. Et à Sciences Po Lille, vous animez le cours de master sur les relations franco-britanniques. Fabrice Ben-Simon est également avec nous. Il est enseignant-chercheur à la Sorbonne Université. Vous avez un article sur les ouvriers britanniques en France au 19e siècle qui est paru il y a quelque temps dans la grande revue Past and Present, et vous publierez un autre article sur les mobilisations collectives ouvrières autour de ces questions de relations franco-anglaises. C'est dans un numéro à paraître en juin de la revue Diaspora dirigée par Delphine Diaz. Quand en 1847, des ouvrières écossaises sont embauchées par la société linière du Finistère, située à Landerneau, le journal ouvrier qui s'intitule « L'Atelier », rédigé par des partisans du socialiste chrétien Philippe Buchez, écrit ceci et s'indigne, Nathalie Canoui. Le bateau à vapeur, le Finistère, a débarqué ces jours-ci à Morlaix, 38 écossaises à destination de la filature de Landerneau. Ces femmes sont destinées à former le noyau d'ouvrières de la société linéaire du Finistère. Elles travaillent dans les manufactures depuis leur enfance, obéissent à la voix, aux signes même, avec une précision qui ferait honte à un bataillon d'élite. À leur sortie du bateau à vapeur, elles se sont rangées sur le quai pour attendre l'ordre de marcher. Quoi qu'on leur eût laissé la faculté de se promener pendant les 2 ou 3 heures qui séparaient leur arrivée de leur départ, aucune d'elles n'a eu la curiosité de visiter la ville de Morlaix. Et toutes se sont embarquées dans les voitures qui doivent les emporter à Landerneau avec l'insouciance et le silence d'une machine qui obéit à un moteur. Si nos anglomanes ont amené en France cet échantillon britannique dans le but de provoquer et de généraliser parmi nous un résultat semblable, il faudra qu'il fasse singulièrement violence à notre esprit national. Pétrir la nature humaine au point de la réduire à l'état de machine et de l'abaisser au rôle passif d'une brute que l'on commande est une chose qui révolte l'esprit. Bonjour Fabrice Sérode. Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et bonjour Fabrice Ben-Simon, c'est vous qui avez choisi ce texte que vous avez tiré de vos travaux sur les ouvriers, et en particulier les ouvriers britanniques en France. Donc en 1847, un socialiste chrétien, Philippe Buchez, peut considérer que les ouvrières qui arrivent par le bateau à vapeur du côté de Morlaix et de Landerneau sont des métaphores de la révolution industrielle, puisqu'elles ne sont que des machines qui obéissent à un ordre qui vient d'en haut. Oui, alors ça s'inscrit dans un discours de, disons, protectionnisme économique qui est assez présent à l'époque au sein de la gauche républicaine en particulier. Et cet extrait, alors qui est en fait de seconde main, puisque l'atelier lui-même rapporte un extrait d'un journal du Finistère, il est assez emblématique de cette opposition à l'Angleterre, opposition à l'industrialisation, opposition au libre-échange aussi, qui est présent dans un journal comme l'Atelier, et qui se positionne par rapport à la venue de contingents d'ouvriers souvent qualifiés que les entrepreneurs français font venir en France pour utiliser des machines qui sont souvent des machines britanniques plus performantes et à même de les avantager dans la concurrence. D'ailleurs, ces ouvriers et ces ouvrières notamment vont former des ouvriers français. Enfin, il va y avoir une cohabitation très intime entre ces ouvriers dans ce rattrapage très progressif de la révolution industrielle par la France. Oui, c'est une de leurs fonctions, en effet. Alors, à Landerneau, il y a plusieurs centaines d'ouvriers et d'ouvrières qui sont recrutés, qui viennent d'Écosse ou du nord de l'Irlande, de l'Ulster, en quelques années. Mais en effet, leur fonction, c'est aussi de former une main-d'œuvre locale, une main-d'œuvre bretonne. Et en fait, ce que montrent les différents témoignages dont on dispose, qui ne sont pas très nombreux, mais enfin qui existe sur les relations qui existent entre les ouvriers des deux nationalités, c'est plutôt en fait une entente, une cohabitation, des sociabilités, parfois, des mariages et en fait l'absence de mobilisation collective les uns contre les autres. Combien y a-t-il de Britanniques sur le territoire français dans cette première moitié du 19e siècle? Parce que on sait qu'ils n'arrivent pas, évidemment, pendant toute la période napoléonienne, qu'ils vont être bloqués par des lois qui les empêchent d'arriver jusqu'au milieu des années 20, de 1820. Et puis, à partir de ce moment-là, ils vont arriver et ils sont plusieurs dizaines de milliers sur le territoire français. Alors, le premier recensement qui les dénombre, c'est en 1851. Il y a environ 20 000 Britanniques qui vivent en France. Sans doute, un certain nombre d'entre eux étaient déjà repartis en 1847-48, moins en raison de la Révolution qu'en raison de la crise économique qui a conduit de nombreux ouvriers étrangers à partir, faute d'emploi en France. Donc, ils sont quelques dizaines de milliers peut-être sous la monarchie de Juillet. Quand on dit britannique, ça recouvre des catégories sociales très différentes, parce qu'il y a des rentiers qui vivent en France, il y a des aristocrates en villégiature, il y a des banquiers, mais il y a aussi ces flux d'ouvriers souvent qualifiés dans le textile, dans la construction ferroviaire, dans l'industrie du fer, dans la dentelle, enfin dans plusieurs secteurs où les Britanniques, en raison de la révolution industrielle, ont une avance par rapport à la France. Anaïs Quin. Et peut-être d'ailleurs, Fabrice Ben-Simon, que le rattrapage par certains ouvriers français de ces compétences que les Anglais apportaient au début de cette période migratoire, est rattrapé aussi par la suite. Mais dans vos travaux, vous ne notez pas de mouvement d'anglophobie de très grande ampleur au XIXe siècle. Vous relevez un moment relativement précis autour de la révolution de 1848, où là, les sentiments s'exacerbent, de même d'ailleurs qu'envers d'autres émigrés que les Anglais. Mais le moment 1848 va avoir des particularités et va voir s'exacerber à plusieurs endroits de ce nord de la France, de la Bretagne, de la Normandie, des moments sans que ceci s'organise à une échelle nationale par ailleurs, Fabrice Ben-Simon. Voilà, on ne peut pas parler d'anglophobie structurelle ou... Pas comme ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle par rapport aux ouvriers italiens, par exemple, dans le sud de la France. Alors, il n'y a rien de comparable sur le plan des violences. Il y a des manifestations qui sont peut-être moins liées à la révolution de 48 qu'en fait à cette crise donc de pénurie extrême d'emploi et où le discours de la nationalité est utilisé pour réclamer un emploi, donc aux dépens y compris d'ouvriers et d'ouvrières étrangers. Mais par ailleurs, il y a beaucoup de traces de socialisation, d'intégration de ces travailleurs étrangers. Alors, vous avez retrouvé dans les archives départementales du Finistère quelques-unes des lettres en particulier qui permettent de mesurer cette ambiance anglophobe, si elle existe véritablement dans ce premier 19e siècle. Par exemple, cette copie d'une lettre anonyme qui est adressée à Monsieur Radiguet, le directeur de la filature linéaire du lin, donc à Landerneau. Nous sommes le 17 juin 1851. Nathalie Canouy. Le 10 juin 1851. Monsieur, depuis un peu de temps, l'on a congédié beaucoup d'ouvriers de la filature linéaire alors que nous ne savons pas pourquoi cette injustice que l'on a faite aux Français de les supprimer d'ouvrage et de faire venir les gens d'une puissance étrangère. Sachez, monsieur, que ces gens-là n'ont nullement besoin de manger le pain des Français. Que les Français sont capables. S'il y a quelque chose à gagner, ce sont les Français et non les Anglais. Car les Français doivent soutenir leur patrie, mais non les puissances étrangères. Et nous disons que les Français doivent soutenir leur patrie et la patrie doit les nourrir. Je pense, messieurs, que si vous étiez de la classe ouvrière, que vous ne seriez pas contents de voir une injustice semblable. Vous êtes prévenus que sous 8 jours, que si l'on ne travaille, il se fera une pétition entre nous. Elle parviendra au préfet et du préfet au ministre. Et nous verrons à quoi décider cela. Landerneau, le 15 juin 1851. Signé Les Ouvriers. Fabrice Ben-Simon, vous nous avez proposé ce texte, mais je crois que vous doutez un peu de l'authenticité de cette signature signée Les Ouvriers. Oui, alors les pétitions anonymes, il faut toujours se méfier. Et puis il n'y a pas de suite, en fait. Ce texte n'est pas, ne donne pas, il n'y a pas de conséquences après cette lettre. Et ce qu'on note par ailleurs, c'est que dans les très nombreuses pétitions qui sont à l'époque adressées par des ouvriers au préfet, au directeur d'usine, etc. Ce qui revient beaucoup, ce sont les horaires de travail, ce sont les salaires, c'est la question des accidents du travail, ce sont des revendications sociales où en fait l'opposition aux étrangers est dans l'ensemble peu présente. Alors on est avant que se structure un internationalisme militant, qui ne sera le cas que dans les années 1860 avec la première internationale, mais en fait on constate on trouve peu de documents de ce type. Sans doute parce qu'en fait, ça n'est pas quelque chose de très présent en permanence, en dehors des quelques crises que nous avons évoquées. Alors, pas plus d'ailleurs que les discours anti-allemands au moment où Marx se trouve à Paris au début des années 1840. Ils sont pas si nombreux que ça, alors qu'il y a beaucoup d'ouvriers allemands qui travaillent dans le faubourg Saint-Antoine. Fabrice Sérode, pourtant, par rapport à ce discours anti-anglais, il a eu le temps de se mettre en place. Vous avez travaillé sur la fin du 19e siècle et sur le 20e siècle pour votre travail Anglophobie et politique de Fachoda à Mers el-Kébir. Mais néanmoins, on a eu Trafalgar, on a eu Aboukir, on a eu les guerres napoléoniennes et il y a un discours potentiel anti-britannique, mais il y a aussi un discours anglophilique très net dans cette première moitié du 19e siècle, en particulier de la part des élites. Et Lamartine qui discute à la tribune de l'Assemblée en 1848 rappelle qu'il est un grand ami de l'Angleterre, par exemple. Il n'est pas le seul, Guizot l'est également, Louis-Napoléon Bonaparte l'est également plus tard. Donc il y a un discours d'élite très anglophile, tandis que peut-être un discours anglophobe est toujours là, possible. Mais entre le discours et les actes, il y a une distance. Oui, alors je pense qu'il faut effectivement se méfier des effets d'amplification, en particulier sur ce sujet qui est particulièrement délicat, dans la mesure où les sources ont longtemps été des sources de presse, en France notamment, qui avaient tendance à amplifier le phénomène anglophobe et en faire l'expression du peuple par opposition aux élites. Et effectivement, c'est un des clichés d'une anglophobie qui est elle-même devenue en quelque sorte un cliché, en quelque sorte il y aurait une anglophobie française, à cause de cette dépendance, je pense, excessive vis-à-vis notamment des sources de presse ou des manuels scolaires qui relayaient cette image. Notamment, si on regarde ces mêmes sources de presse, hein, c'est pas exactement mon objet, mais j'ai un peu joué, bien sûr, ma couverture y fait allusion, parce que c'est amusant de collecter... On y voit Édouard VII, roi d'Angleterre et empereur des Indes, dans une énorme tonneau, une énorme barrique. Effectivement, il est outré, il est très gros. Voilà, l'anglophobie fait vendre, et j'en ai joué, donc ça, bien sûr. Maintenant, est-ce que cela a un impact sur tant les élites que l'opinion publique? Cela reste à voir. Si on s'en tient déjà aux sources de presse, pour le coup, l'assiette au beurre ou le rire, si on les étudie dans le détail à l'époque, ils tirent tous azimuts, en réalité. Le sanguinaire pacha Abdulhamid II, par exemple, hein, est caricaturé de manière beaucoup plus violente que les Anglais. La cupidité, déjà, et le militarisme de l'oncle Sam sont dénoncés. l'homosexualité dans l'armée allemande est évoquée. Bref. Donc c'est une xénophobie tous azimuts, ce que vous voulez dire. Voilà. Et non seulement cela, mais ces sources de presse, effectivement, donnent l'impression d'une espèce d'anglophobie presque universelle et qui finit par ne pas caractériser, en tout cas, la seule France de l'époque. Fabrice Ben-Simon, c'est d'ailleurs ce sur quoi vous insistez dans vos travaux. Il faut se méfier justement de ce que dit la presse, y compris dans cette première moitié du 19e siècle, de l'Angleterre, des ouvriers anglais, des révoltes ou des manifestations anti-anglaises. Vous n'en trouvez pas la trace dans les archives aussi précisément que ce que dit la presse, et l'emportement de la presse peut être exagéré parfois, dites-vous, Fabrice Ben-Simon, par rapport à cette anglophobie française justement de la première moitié du 19e. Bah, disons qu'à l'époque, il y a tout un discours anglophobe d'une partie des élites, une partie des... quelqu'un comme Michelet explique que la guerre des guerres, c'est celle entre l'Angleterre et la France, et on retrouve ce discours aussi bien chez les légitimistes, chez les monarchistes légitimistes, chez les catholiques, chez une bonne partie des républicains, qui, sur fond de rivalité coloniale, parce que dans les années 1840, les rivalités coloniales, elles s'expriment dans différentes parties du globe. Il y a des crises autour de Tahiti, autour de l'Algérie, autour de l'Égypte, entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, il y a régulièrement ces... ces poussées de fièvre. Disons, en tout cas, ces expressions politiques qui visent l'Angleterre, mais... qui sont un petit peu des manifestations littéraires ou journalistiques dont on ne trouve pas forcément la trace dans les relations entre les individus, entre les populations. Alors, ce dont on trouve la trace, c'est par exemple ce que dit le consul britannique au Havre en 1848 à propos des ouvrières britanniques de l'usine de lin La Foudre à Petit Quevilly, une lecture de Nathalie Canouille. J'ai dû me rendre ce matin à 7 heures sur la côte pour voir près de 300 sujets britanniques, hommes et femmes, travaillant à l'usine de lin de Messieurs le Bandit, à Petit Quevilly, près de Rouen, que j'ai trouvé dans une condition des plus déplorables. Les ouvriers français de cette usine les avaient brutalisés et conduits à bord d'un vapeur sans même leur laisser le temps de recevoir leur salaire, de rentrer et de prendre leurs vêtements et leurs affaires. Et c'est dans cet état de privation qu'ils ont atteint ce lieu. J'en ai déjà dirigé certains vers l'Angleterre, et une délégation des leurs est allée à Rouen pour récupérer les vêtements des femmes. Anaïs Kien. Alors là, Fabrice Ben-Simon, on a le témoignage de ce regard envisagé, c'est-à-dire que là, c'est une source britannique elle-même, le consul. Nous sommes en 1848, donc une année hautement puissante en événements anglophobes. Par ailleurs, vous indiquez dans l'article dans lequel vous citez cette source que parfois on peut un peu douter des descriptions faites par les autorités britanniques sur le sol français, du fait qu'elles renforcent peut-être ces événements d'anglophobie pour obtenir des choses de leur autorité politique de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire de forcer le trait sur une situation de détresse pour obtenir des crédits, un soutien ou une avancée politique. Fabrice Ben-Simon. Oui, alors là, cette émeute, elle est avérée. Il y a plusieurs sources qui en attestent. Ce qui est compliqué, c'est que... Là, on est au-delà de l'émeute, on est quasiment dans l'expulsion d'un groupe de travailleurs. Voilà, une mobilisation collective qui se traduit par le départ, en effet, de plusieurs centaines d'ouvrières et d'ouvriers d'origine souvent écossaise. Ce qui rend compliqué la chose, c'est qu'on est dans un moment, donc on est en 1848, la Grande-Bretagne redoute une propagation des révolutions du continent à son territoire, y compris à l'Irlande, et les mobilisations qui se produisent en France contre des Britanniques sont utilisées dans la presse anglaise comme une illustration de l'hypocrisie des slogans d'égalité, de fraternité qui sont proclamées pendant la Révolution. Et en particulier Punch, vous l'avez mis dans votre article, qui fait une caricature effectivement avec des ouvriers donc qui sont représentés, anglais, et qui sont poursuivis par des militaires français avec le titre « Specimen of French Fraternité ». Donc voilà ce qu'est la fraternité française telle que la Révolution de 48 veut la mettre en avant, eh bien c'est d'expulser des Britanniques qui travaillent honnêtement sur le territoire français. Mais 48, c'est aussi un rebond de l'effet de 1789, tout simplement, et de cette peut-être rigidification de la frontière de la Manche entre l'Angleterre et la France depuis cette différenciation des régimes politiques. Ben disons que en Grande-Bretagne, à cette époque, il y a un mouvement chartiste qui est fort, qui essaie de s'appuyer sur les révolutions du continent pour faire aboutir son programme démocratique. Qui demande le suffrage universel. Qui demande le suffrage universel et la démocratie. Et de ce point de vue, le discours des autorités britanniques vis-à-vis de la France, c'est un discours en fait qui est surtout à usage intérieur. C'est de dire, voilà, si vous voulez faire comme les Français, comme le continent, ben, voilà ce à quoi ça mène, et qui cherche donc à marginaliser le discours chartiste. Alors vous avez quand même noté qu'en 48, c'était une poussée, effectivement, c'est là où on a le plus de moments d'émeute anti-anglaise. En février 48, donc au Petit Quevilly, on l'a entendu. En mars 48, abat les Anglais dans la ville basse de Calais, où travaillent plus de 1500 ouvriers du Tulle. Enfin, ce qu'on appelle le Tulle, c'est-à-dire de la dentelle, qui viennent pour la plupart d'entre eux de la région de Nottingham. En 58, en fait, en 1858. Ah, c'est en 58. En 48. Et puis en juin 48, des ouvriers de l'usine Waddington à Saint-Rémy-sur-Avre, dans l'Eure, qui veulent expulser 8 ouvrières écossaises. Et en juin 48 également, à la Foudre, donc plusieurs ouvrières anglaises qui sont revenues et mises à l'honneur. Un peu plus tard, vous expliquez effectivement que elles ont été expulsées, on l'a entendu, au Petit Quevilly, et puis en juin 48, une deuxième phase de la révolution de 48, eh bien on va les faire revenir en France, elles reviennent en France, et là elles sont mises à l'honneur avec les arbres de la liberté qui sont plantés. C'est ce qui vous fait dire qu'il y a plus un discours anglophobe qu'une réalité de l'anglophobie ouvrière dans ces années 48, même s'il y a des marques assez persistante justement de ce rejet lié en particulier à la crise économique, Frédéric Ben-Simon. Oui, alors il arrive que ce discours il soit utilisé, qu'il ait des conséquences pratiques, parfois dramatiques. Disons qu'on est à une époque aussi où en fait les affrontements, non seulement entre ouvriers de différentes nationalités, mais ouvriers de différents villages, de différentes corporations, de différentes confessions. Par exemple, je pense à la Grande-Bretagne où il y a beaucoup d'affrontements entre ouvriers irlandais et ouvriers catholiques. C'est quelque chose, ouvriers protestants, c'est quelque chose de relativement fréquent. Mais après, par contre, il n'y a pas forcément d'importation d'ailleurs de ces antagonismes religieux sur le territoire français. Il y a de la part des autorités, et notamment des autorités catoliques, une grande méfiance vis-à-vis des protestants. Ils sont réformés. Quand des pasteurs sont autorisés à exercer le culte sur le territoire français. Mais pas forcément entre ouvriers. Non, pas forcément. Et ce qu'on voit y compris, c'est des conversions à l'occasion de mariages entre ouvriers étrangers et ouvrières françaises. Ben justement, vous revenez sur cette histoire de mariage. Un des traits que vous semblez déceler dans vos recherches, Fabrice Ben-Simon, c'est peut-être une anglophobie qui cache surtout une protestation contre des usages industriels, et en l'occurrence l'embauche de femmes dans l'industrie. Ce qui est beaucoup le cas d'ailleurs, puisque ce sont souvent de femmes ouvrières britanniques qui sont envoyées en France pour travailler. Et vous semblez déceler ici plutôt un rejet de cette pratique du travail féminin dans l'industrie que véritablement de l'anglophobie. Ben disons que c'est les deux sans doute se recoupent. Alors par exemple dans l'article de l'atelier, c'est sans doute une dimension qui est présente. Bon, c'est difficile de l'établir avec certitude, mais il est vrai que ce sont souvent des ouvrières qui sont ciblées par des mobilisations collectives, encore plus que des ouvriers. Bon. Et on sait par ailleurs qu'il y a une opposition au travail des femmes dans l'industrie qui existe, qui n'est pas d'ailleurs le monopole de la France, qui existe dans les différents pays où l'industrie se développe. Vous voulez dire, c'est la concurrence entre ouvriers qui est mise en place par les patrons eux-mêmes, qui provoque justement des poussées de fièvre. Tout à fait. Les patrons utilisent le travail des femmes pour essayer d'abaisser les salaires, de faire une pression à la baisse sur les salaires ouvriers. Donc on trouve ces expressions dans différentes situations, dans différents secteurs de l'économie, dans différents secteurs de l'industrie. Fabrice Sérode, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, qui est le début de votre travail sur l'anglophobie que vous avez publié chez l'Harmattan, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, une des questions justement que l'on peut se poser, c'est la montée de la concurrence coloniale, en particulier entre les deux puissances que sont la France et l'Empire britannique. Est-ce que cet Empire britannique fait peur au point que justement se développent les discours anglophobes, en particulier à partir du moment où l'Afrique devient le terrain de chasse, sans jeu de mots, des puissances européennes dans la deuxième moitié de ce 19e siècle, en particulier dans les années 1870-1880? Oui, parce que, comme on l'a cité, on pourrait avoir l'impression, d'après ce que nous disons, que, en se tenant même aux sources britanniques, l'anglophobie ne serait plus qu'une construction, en quelque sorte, instrumentalisée par le Royaume-Uni pour tenir la France. Et c'est effectivement par cela que j'ouvre en tout particulier l'ouvrage, en citant Lord Dufresne, un ambassadeur à Paris, entre autres, qui décrit les sentiments très hostiles, selon lui, des Français, donc, contre le Royaume-Uni. Je crois que donc il faut distinguer pour quand même voir ce qui derrière ce discours est vrai. Et on pourrait peut-être voir trois niveaux ici distincts de cette anglophobie. Je dirais qu'une anglophobie de type 1, de viscérale, une haine de l'anglais existe, mais de manière extrêmement résiduelle. C'est celle que nous traquons depuis le début. Mmh. Déjà, elle s'exprime assez peu, évidemment, dans les documents et les archives, mais même dans la rue, elle est relativement limitée. On trouverait à l'autre extrémité peut-être des manifestations anglophobes qui effectivement ne sont pas structurées à l'époque, des réactions notamment lors de la crise de Fashoda ou de la guerre des bourgs qui mobilisent beaucoup, j'en cite plusieurs, notamment en Dordogne, à Bergerac, à Saint-Malo, où on se manifeste contre l'arrivée de navires britanniques qui pavoisent après la délivrance de Ladysmith en 1900, et ce sont des manifestations plutôt spontanées. Mais il y a bien quelque chose, en revanche, qui ressort, c'est cette anglophobie plutôt centrale qui m'intéresse, c'est-à-dire une anglophobie intellectuelle. La rivalité n'est plus, comme à l'époque de la Révolution, disons, morale ou économique, comme on vient de le voir, les économies ayant tendance à diverger, quand même, de manière structurelle par rapport à la concurrence allemande, qui, elle, est plus frontale pour le Royaume-Uni, et se déplace, cette anglophobie, le front de l'anglophobie, se déplace sur le terrain de la géopolitique. Parce que jusque-là, peut-être, il faut rappeler que toutes ces manifestations, ces expulsions sauvages, entre ouvriers décrits par les sources que nous propose Fabrice Ben-Simon, ne sont évidemment pas du tout soutenus par les autorités françaises. Vous, Fabrice Sérope, vous travaillez sur ces politiques qui ont affaire avec leur propre anglophobie ou avec des pratiques anglophobes ou des discours anglophobes au sein de leurs administrations. Donc on est sur deux registres différents, c'est-à-dire des mouvements spontanés, populaires, on pourrait discuter de la question de la spontanéité peut-être, mais en tout cas, qui semblent spontanés et très localisés. Vous travaillez sur l'élaboration des politiques de fond et de la géopolitique, des relations diplomatiques entre la France et l'Angleterre. Voilà, et encore une fois, il ne faut pas nécessairement opposer les élites au peuple ici. En l'occurrence, parfois, elles ont été tentées de donner là-dedans, dans cette anglophobie intellectuelle. En particulier en soutenant l'idée française d'une balance of power, d'un équilibre des pouvoirs, qui ne serait plus désormais un apanage britannique à l'échelle européenne, mais qui serait désormais mondial, comme un contrepoids à l'Empire et à l'impérialisme qui se développe à l'époque très fortement au Royaume-Uni. Et donc elles sont tentées, notamment dans la marine, la jeune école par exemple, ou dans l'armée. On voit beaucoup de tentations de suivre cette politique, y compris dans la diplomatie chez Anoto. Donc il y a bien cette tentation. Mais, et c'est l'objet central ici évidemment de ma thèse, beaucoup ont compris, à la différence notable de l'Allemagne notamment, et de la diplomatie allemande, l'importance de tenir justement compte des sentiments britanniques et de mener une politique de contre-anglophobie qui est lancé autour de ces années 1904, en fait, et finalement va durer, eh bien, encore jusqu'à l'entre-deux-guerres. Alors, vous nous avez proposé, de votre côté, Fabrice Sérone, un texte du fameux capitaine Drian, donc, qui mourra en héros pendant la Première Guerre mondiale, et qui écrit en 1903, « La guerre fatale », un extrait de ce texte où il parle justement de l'anglophobie, plus ou moins fictive ou fantasmée, de Henri d'Argonne. En vrai marin, en vrai breton, Henri d'Argonne, nous le savions déjà, avait au cœur à l'égard des Anglais une haine féroce et native que ses voyages à travers le monde n'avaient fait qu'entretenir et exalter. Généreux et loyal, il haïssait l'Angleterre pour ses violences et ses brutalités. Il la détestait par nature, spontanément, parce qu'il avait en lui le génie du beau et du bien, et que partout où il avait rencontré l'Angleterre, il s'était heurté au génie du mensonge et du mal. D'ailleurs, cette antipathie profonde, Henri d'Argonne n'était pas seul à l'éprouver. En France, elle s'est généralisée d'une façon extraordinaire, depuis quelques années surtout. Partout où passe l'Anglais, il se fait détester pour son sans-gêne, ses vexations, son manque absolu de tact et de savoir-vivre. Ultra correct chez lui, il s'imagine n'avoir pas à se gêner chez les autres et s'installe partout avec une désinvolture impertinente et dédaigneuse qui exaspère et déconcerte. Sur toute la surface du globe, son avidité est en quête d'une proie, son impudence s'exerce et son sans-gêne s'étale. Nulle part il n'est sympathique, et quand il s'attaque aux faibles, ce qui est devenu pour lui une habitude, il devient odieux. Un texte du capitaine Drian, donc datant de 1903, tiré de ce livre « La guerre fatale » qu'il écrivait à ce moment-là pour Flammarion. Oui, peut-être que l'on peut reprendre ici quelques éléments de ce discours. Donc, généreux et loyaux sont les Français, égoïstes et vicieux sont les Anglais, Fabrice Sérone. Là, on est vraiment dans un schéma très binaire d'une antipathie nationaliste de deux côtés de la Manche. Oui, très traditionnel de la part de Drian, mais c'est un petit peu l'anglophobie des frustrés de la politique ou des frustrés de l'armée. En l'occurrence, on le retrouve dans le discours d'Émile Flourens, par exemple, un ancien ministre des Affaires étrangères de l'époque, et dans la jeune école, notamment maritime, elle a tendance à développer, en fait, un discours où, effectivement, on veut venger simplement, même pas par esprit de justice, mais simplement par l'honneur militaire, disons, l'armée française. Oui. Et l'échec de Fashoda en particulier. Et l'échec de Fashoda. Et donc, opération militaire qui avait complètement raté, donc, dans l'est de l'Afrique. Voilà. Alors, j'ai souligné le fait qu'en réalité, donc, l'anglophobie à l'époque était plus généralisée. Néanmoins, il y a bien une spécificité française pour le coup, qui se réfère à ses propres héros. Et notamment, Drian est obsédé par le modèle napoléonien. Cet ouvrage de plus de 1000 pages s'achevant par un défilé triomphal des troupes françaises à Londres, ayant réussi enfin le projet de débarquement tenté depuis Louis XIV à maintes reprises, et voyant un petit peu l'honneur de l'armée restauré, mais c'est au profit d'un ordre géopolitique mondial assez déséquilibré avec la Russie, l'Allemagne et autres, mais où simplement le Royaume-Uni est puni pour son excès, et son arrogance. Ce qui n'arrivera pas tout à fait. Malgré tout, peut-être qu'on peut déceler aussi dans ce texte, Fabrice Sérone, de l'envie, ou en tout cas une certaine jalousie de la part de certains officiers de marine, notamment français, de voir peut-être les officiers de marine anglais mis bien au devant du prestige national, alors qu'en France, peut-être que ces officiers sont moins visibles dans l'histoire et la légende qui s'écrit de cette aura impériale, en tout cas. Oui, ça pourrait être effectivement une explication, quoique On sent de la frustration quand même hein, dans ce qui est décrit oui. Ici, puisqu'ils sont sans gêne, ils sont dédaigneux, sont désinvoltes, oui. Exaspérants. Mais alors ça pour le coup, c'est un cliché classique à l'époque, notamment vis-à-vis des touristes, des cookistes qu'on appelle à l'époque. Non, du nom de l'agence Thomas Cook. Voilà, et qui était censé donc parler haut et fort en tant que tel. On rappelle qu'il y a quasiment 1 million de touristes britanniques en 1912 en France, c'est énorme, justement dans les régions qu'on citait tout à l'heure, et que c'est l'image d'abord qu'ont les gens, et donc c'est à ces gens-là que s'adresse Drian. Et ce nationalisme français anti-britannique qui s'exerce donc dans cette fin du 19e et début du 20e siècle, avant l'entente cordiale, cette exacerbation des sentiments, il est en parallèle ou en miroir du jingoïsme britannique qui se déroule à ce même moment du côté de l'Angleterre, c'est-à-dire une sorte de nationalisme là aussi très exacerbé en face, non ? Tout à fait. Fabrice Serron. Simplement, ce qui m'est apparu, c'est que ce jingoïsme, inversement, n'a pas vraiment pour objet ou pour cible principale la France. En l'occurrence, le jingoïsme, ça vient de cette chanson donc qui était d'ailleurs tournée plutôt contre la Russie à l'époque, dans les années 1870, et qui commence par un « we don't want to fight ». C'est-à-dire qu'il ne s'avoue pas comme effectivement impérialiste, un projet qui est décrit d'ailleurs par, à l'époque, des historiens, et encore aujourd'hui, comme inconscient ou malgré lui, et qui a du mal à placer en fait ce qui obsède pourtant les Britanniques à l'époque, la France, au cœur de ses projets géopolitiques. Et il y a aussi quelque chose qui est surprenant quand on vous lit tous les deux, Fabrice Serod et Fabrice Ben-Simon, c'est de voir la méconnaissance des Français de cet empire britannique, en particulier de la variété des populations qui peuplent les îles britanniques. On dit toujours les Anglais, on s'interroge pas de savoir s'il y a les Irlandais, s'il y a les Écossais, s'il y a les Gallois. C'est les Anglais, d'une certaine façon. Enfin, c'est toujours une sorte de vision un peu lâche comme ça de ce qu'est la variété, en particulier avec les Irlandais. Alors il y a quand même de plus en plus une connaissance de la situation de l'Irlande et une utilisation de la situation de cette suggestion coloniale, parce que comme pour l'Afrique du Sud dans la guerre des Boers, par exemple. Mais par exemple dans les années 1830 et 1840, Laurent Colantonio a bien montré comment la figure de Daniel O'Connell, le grand nationaliste irlandais, était approprié en France par des courants très divers qui se reconnaissent en lui parce qu'il est le champion de l'indépendance anti-britannique. Face à la Grande-Bretagne. L'Irlande est catholique, elle est majoritairement catholique et ça n'a pas échappé aux catholiques français. On a quand même en tête aussi que l'Écosse est un vieil allié de la France, peut-être même contre ses Anglais, je répète. Ce texte que l'on vient de lire, puisque effectivement il est tout à fait savoureux, cette antipathie profonde, ces sans-gêne, etc., dont on peut-être on affuble moins ceux qui viennent d'Écosse. C'est vrai, en même temps, par exemple, dans les recensements, Écossais, Gallois, Anglais sont tous regroupés sous la même étiquette d'anglais. Quoi. Et puis il y a peut-être quand même une dimension qui peut-être est souvent fautive dans l'exaspération de ces conflits très localisés. Fabrice Ben-Simon, que vous étudiez, c'est la question de la langue aussi. Alors la langue, c'est vrai qu'elle est, c'est un problème essentiel dans la communication. Sur la Manche, ce qu'on note aussi, c'est que les marins, les pêcheurs, qui sont souvent en contact les uns avec les autres, parviennent à échanger, y compris pendant des périodes de conflits ou de tensions relatives. Fabrice Serod, si on avance dans le temps, et en particulier dans ce début de XXe siècle sur lequel vous avez travaillé, il y a ce moment particulier de l'entente cordiale, et j'ai été surpris en vous lisant de lire que ces milieux coloniaux qui étaient en bagarre permanente à la fin du XIXe siècle, milieu colonial français et milieu colonial britannique, sont les meilleurs ciments, d'une certaine façon, de cette entente cordiale. Vous êtes vous-même un peu surpris de voir que, eh bien, au bout du compte, les ligues coloniales françaises s'entendent assez bien à partir du moment où l'entente cordiale se met en place au tout début du XXe siècle avec l'Empire britannique, parce que il y a là des valeurs communes qui feraient front contre d'autres ennemis potentiels. Oui, ça m'a frappé avec le cas notamment de Eugène Étienne, qui est un peu le leader du parti colonial de l'époque et dont la position évolue effectivement dans ce sens. Et ça m'a amené à revaloriser un petit peu l'entente cordiale, qui était souvent présentée comme un simple règlement de contentieux coloniaux territoriaux. Ce que ça a été, mais ce n'est pas seulement cela. C'est-à-dire qu'au-delà des seules difficultés coloniales, on trouve une dimension, au moins, spirituelle, d'abord, avec, et j'insiste beaucoup là-dessus, une dimension de cordialité, renouvelée, qui était déjà lancée au XIXe siècle et qui a s'est manifestée à travers un certain nombre de manifestations, de dons. Emmanuel Macron, en prêtant la tapisserie de Bayeux l'an dernier à Theresa May, renoue un peu avec cette tradition du don, du contre-don, qui est faite à l'époque, hein, où on échange des Loving Cup, des ouvrages de Lalique en 1914, lors des visites royales. Et effectivement... s'inscrit dans cette tradition d'une entente véritablement cordiale. Essaie de renouer avec cette cordialité un peu perdue. Et puis, la dernière dimension, qui est importante et qui est minorée un petit peu par l'historiographie britannique, c'est la dimension militaire, car les élites militaires ont sociabilisé, et si vous reprenez les archives effectivement même du Finistère, vous trouvez lors des visites de Brest en 1905 une cordialité très franche entre les deux marines, pourtant jadis ennemies, qui témoigne d'un renversement de la vision même de l'histoire des deux pays. Anaïs Kien. Oui, pourtant, là nous sommes au tout début du XXe siècle. Ce qu'on voit bien pendant l'épisode de Fashoda, donc un moment de très grande tension, à deux doigts peut-être d'un conflit ouvert, c'est qu'on n'en arrivera absolument pas là, d'une certaine façon. Est-ce qu'à Fashoda, nous étions véritablement au seuil d'une guerre? Ah oui, alors peut-être que cet événement nous démontre que non, justement, c'est-à-dire que les empires coloniaux étaient suffisamment découpés, négociés pour que on ne risque plus, d'une certaine façon, d'affrontements sur le terrain. Ah non, la conférence de Berlin ne suffisait pas. Dans une perspective contrefactuelle, on pourrait même dire que la Première Guerre mondiale aurait pu tout à fait éclater là. Pourquoi ? Ben, si vous allez dans les archives britanniques, et si vous fouillez effectivement ça, vous voyez cette révolution qui s'opère. En 1898, les archives britanniques témoignent d'une mobilisation de la flotte en Méditerranée. La flotte est prête à en découdre, la flotte britannique. En 1912-1913, vous voyez au contraire un plan de partage de la Manche, des deux flottes, françaises et britanniques, contre un potentiel adversaire allemand. Il y a manifestement là une révolution. Et puis, évidemment, il y aura la Première Guerre mondiale qui va là aussi renforcer les liens, même si après la Première Guerre mondiale, ils vont se distendre à nouveau au moment des traités de paix. On en a souvent parlé, en particulier les positions britanniques face à Clémenceau à ce moment-là. Et on peut dire que effectivement, ce travail des armes, pourrait-on dire, pendant la Première Guerre mondiale, a rapproché les deux pays, mais c'est toujours à un doigt d'être utilisé dans l'autre sens. On peut écouter le dernier texte que vous avez choisi, celui de ce grand texte qui est l'étrange défaite de Marc Bloch, qui évoque justement l'anglophobie à la veille de la Seconde Guerre mondiale de certains milieux français. L'anglophobie de beaucoup de milieux français fait aujourd'hui l'objet d'une misérable exploitation. En elle-même, elle n'est pas niable. Elle a des origines diverses. Les unes remontent à des réminiscences historiques, plus tenaces qu'on l'imagine parfois. Ni l'ombre de la pucelle, ni celle même des fantômes hargneux de Pitt et de Palmerston n'ont tout à fait cessé de se profiler à l'arrière-plan d'une opinion collective douée de mémoire. Peut-être serait-ce un bienfait pour un vieux peuple de savoir plus facilement oublier. Car le souvenir brouille parfois l'image du présent, et l'homme, avant tout, a besoin de s'adapter au neuf. D'autres sources sont plus factices et beaucoup plus impures. Les lecteurs d'un certain hebdomadaire, fort répandu dans l'armée, ont appris naguère, au temps de la campagne italienne contre l'Éthiopie, que notre devoir nous appelait à la destruction de l'Angleterre. L'article était signé. Portait-il la signature de ses véritables inspirateurs ? Chacun sait qu'il n'était pas de chez nous. Mais il y a plus. On doit sans doute tenir pour inévitable que deux nations, très différentes, en dépit des idéaux communs qui les animent, aient peine à se connaître, à se comprendre, par suite, à s'aimer. Cela est vrai d'une égale vérité sur les deux rives de la Manche, et je ne pense pas que chez l'anglais moyen, dans la petite bourgeoisie en particulier, les préjugés classiques contre le vis-à-vis gaulois aient non plus perdu toute leur antique verdeur. Mais incontestablement, au cours de notre récente et trop courte confraternité d'armes, certains épisodes n'ont pas contribué à dissiper le malentendu. On peut toujours saluer la formidable plume de Marc Bloch, en particulier dans ce texte de l'étrange défaite, donc écrit en 1940, juste après la défaite de la France. On sait combien Marc Bloch connaissait bien l'Angleterre, puisqu'il avait fait, était un menteur de l'histoire comparée de ces deux pays, en l'occurrence. On sait combien aussi il se méfiait des rumeurs, lui qui avait écrit pendant la Première Guerre mondiale, juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, ce très beau texte sur les fausses nouvelles de la guerre, Fabrice Sérode. Et au même moment, on s'aperçoit que Bloch a plutôt une culture germanique, fasciné par les universités allemandes au départ, change ses lectures pendant la Première Guerre mondiale, qui sont de plus en plus britanniques et influencées en tout cas par le monde anglo-saxon. Et il rend un compte-rendu très intéressant de l'écrivain Wells, qui tente au début des années 20, à la même époque, une histoire générale, un outline of history, qui oublie quasiment la France. Et il constate en 1921 l'abîme qui sépare les communautés intellectuelles françaises et britanniques de l'époque, et effectivement qui commence à se creuser. Et c'est justement contre cela qu'a lutté, et ça c'est beaucoup plus discret comme effort, mais il faut, je pense, le mentionner par rapport à l'historiographie classique de l'entre-deux-guerres, qui parle d'éloignement, après notamment Bell, ici, les efforts faits par les autorités pour maintenir un lien, la Première Guerre mondiale venant s'ajouter aux autres marques d'union historique et marqueurs historiques d'entente. On trouve beaucoup de patronages, de manifestations, de défilés, de souscriptions très nombreuses à Manchester et à Londres et ailleurs, des meetings aériens à Hendon en partage, en commun, des manifestations navales à nouveau qui témoignent de cette fraternité à la fois militaire et universitaire maintenue malgré tout, malgré la crise en particulier. Oui, ce qui prouve bien, Fabrice Ben-Simon, ce que vous avez démontré dans vos propres travaux, qu'il faut, il y a très loin du discours à la réalité des faits, qu'il faut vraiment rentrer dans un travail d'histoire sociale sur les pratiques, d'une certaine façon, pour pouvoir aller au-delà des discours affichés et généralement affichés dans la presse ou par les dirigeants des deux pays, par exemple, quand il s'agit de anglophobie d'un côté ou de francophobie de l'autre. Oui, alors là, si je comprends bien, on a aussi un changement un peu de configuration européenne, puisque la Grande-Bretagne et la France sont, pour résumer, au début du XXe siècle, les deux empires coloniaux qui ont réussi, qui ont la plus grande part du butin et qui trouvent un intérêt partagé à protéger leurs acquisitions face à une Allemagne... une alliance des vainqueurs. Conquérante, exactement, des vainqueurs repus face à une Allemagne conquérante et arrivée un peu sur le tard. Oui, et puis il y a effectivement un autre ennemi qui va pointer son nez dans ce début de XXe siècle, c'est effectivement les États-Unis qui sont à la fois des alliés, mais également des sortes de substituts au discours anti-britannique qu'on a pu entendre parfois, avec cette idée qu'il n'y a plus simplement les Britanniques, mais qu'il y a une alliance transatlantique entre les anglo-saxons, comme le disent d'ailleurs beaucoup d'anglophobes dans nos périodes, encore aujourd'hui. Effectivement, les anglo-saxons, ce serait l'ennemi de l'Europe et en particulier l'ennemi de la France, Fabrice Sérode. Oui, selon Philippe Roger, ce basculement s'opérerait déjà dans les années 20, dans les années 30, ah, en oui. fait, dans l'entre-deux-guerres. Pour moi, il est peut-être un peu plus tardif, vraiment. L'Américain endosse notamment le symbole et le stéréotype du capitalisme après, à partir du plan Marshall, quand le Parti communiste en France est très très fort. Dans l'entre-deux-guerres, il y a bien encore une spécificité de l'anglophobie britannique. Mmh. Là, Marc Bloch fait allusion à Gringoire, à toute une partie de l'extrême droite qui va évidemment culminer sous Vichy. Oui, et il y aura ensuite ajout de l'anglophobie à l'américanophobie d'une certaine façon. Pour moi, remplacement, même remplacement. En un sens, à mesure que le Royaume-Uni décline. Anaïs Kien. Peut-être pour finir ce parcours de ces ouvriers, de ces denteliers, de ces forgerons britanniques qui sont passés par la France. Fabrice Ben-Simon au XIXe siècle, et pour rebondir aussi sur cette histoire de l'Empire britannique, plusieurs centaines de ces ouvriers britanniques vont finir par quitter la France, mais pas pour rejoindre leur patrie d'origine, mais pour rejoindre plutôt justement ces parties de l'Empire un peu en marge que sont par exemple l'Australie, puisque un retour chez soi n'est pas désirable, ou en tout cas n'est pas envisageable véritablement. Et donc, ces personnes qui ont déjà circulé à l'intérieur même du Royaume-Uni vont ensuite continuer d'alimenter, de nourrir plutôt par leur savoir-faire cet empire britannique. Oui, ça nous, c'est vrai qu'il y a en effet plusieurs centaines d'ouvriers britanniques comme ça qui émigrent. 600 qui s'en vont, je crois, en Australie. Oui, en 1848. Ça nous rappelle, d'une part, que à l'époque, le travail, c'est la mobilité. Les ouvriers se déplacent énormément, vont là où est le travail, émigrent souvent plusieurs fois au cours de leur existence pour s'approcher de sources de revenus. Ça nous rappelle aussi que à l'époque, la Grande-Bretagne est déjà un grand pays d'émigration, des millions et que la France au 19e est un grand pays d'immigration. Exactement, est en train de se constituer comme un grand pays, le principal pays d'immigration européen. Et c'est en effet, même si ce sont des puissances qu'on compare souvent, elles ont un modèle de population, un modèle démographique, un modèle social qui ne sont pas exactement les mêmes sur ce plan-là. Quoi. Et merci Anaïs Kahn d'avoir posé cette question, parce que d'une certaine façon, vous faites le lien avec l'émission que nous ferons demain tous ensemble, puisque nous ferons une émission, donc troisième volet de notre série consacrée à ces rapports de la Grande-Bretagne à l'Europe et de l'Europe à la Grande-Bretagne. Nous nous poserons la question de savoir si, comme on l'a souvent dit, souvent écrit, la Grande-Bretagne avait fait le choix du monde plutôt que le choix de l'Europe. Ce sera une des discussions que nous aurons, et nous ne serons pas très loin d'ailleurs des discussions autour du discours anglophobe, puisque ça fait partie justement de ce que l'on dit généralement sur cette Grande-Bretagne, qu'elle a toujours préféré le grand large à ses voisins continentaux. Ça ferait partie de la discussion que nous aurons demain avec nos trois invités. Merci à vous Nathalie Canouy, merci à vous Fabrice Sérode. Je rappelle que votre livre s'intitule « Anglophobie et politique de Fachoda à Mersel Kébir ». Quant à vous Fabrice Ben Simon, on peut lire vos deux articles donc qui ont été publiés, l'un dans Past and Present, donc revue de très grande qualité publiée à Oxford, et l'autre qui sera publié en juin, c'est ça, dans la revue Diaspora, autour de la présence de ces ouvriers britanniques sur le territoire national. Fabrice Sérode, vous avez vous-même d'autres publications à annoncer? Pour faire le lien avec l'actualité, oui, un article dans The Conversation pour montrer aujourd'hui l'actualité peut-être de ces stéréotypes dans le cadre du Brexit. Très bon site en ligne où des universitaires comme vous interviennent régulièrement. Et puisque vous parlez du Brexit, sachez que jeudi à 13h30, eh bien sur France Culture, les pieds sur terre proposeront un documentaire Mon Brexit, avec des Français vivant au Royaume-Uni et des Anglais vivant en France qui ont été bouleversés par ce vote du Brexit. Un reportage de Karine Lelouette réalisé par Laurent Polleret. C'est jeudi dans Les Pieds sur Terre. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Élise Le était aujourd'hui à la technique avec nous et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez réagir à cette émission, la réécouter, la télécharger, n'hésitez pas à aller sur la page de la Fabrique de l'Histoire sur le site franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC. À demain.